Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence, as-tu déjà acheté de la seconde main ? Bonjour Lucille, oui, ça m'est arrivé quelquefois. Il y a de plus en plus de consommateurs de seconde main sont recensés en France. Et c'est pour cette raison qu'il me semble important de rappeler les droits et obligations des vendeurs et des acheteurs. La saison des brocantes arrivant à grands pas, vous pourrez vendre et acheter en toute sécurité. On a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, si on parle des brocanteurs, il faut un droit de vendre sur les marchés ou les espaces publics. Ce droit est conditionné à l'accord des autorités locales et se matérialise souvent par un petit financement. L'emplacement en brocante est souvent payant, mais cela est une garantie. Alors, quelle garantie ? Il existe une protection légale des biens des brocanteurs contre le vol. Ceux-ci peuvent donc demander l'intervention de la police ou de la gendarmerie en cas de vol ou de litige sur le lieu de la brocante, par exemple. Évidemment, s'applique aux brocanteurs une totale liberté de commerce. Ils sont libres de vendre ce qu'ils veulent dans le respect des règles nationales et locales. Mais, parce qu'on a toujours une exception au principe, l'article 310-2 du Code de commerce précise que, tout de même, pour les particuliers, il est autorisé de vendre que des biens exclusivement usagers et personnels. Cette règle est importante puisqu'elle sous-entend que pour les créations, il faut au préalable se faire déclarer comme professionnel pour les vendre lors de brocantes. On parle souvent de micro-entreprise. Et est-ce que tu sais si les revenus tirés d'une brocante sont imposables ? Alors non, ils ne le sont pas, mais encore une fois, le droit prévoit deux exceptions à cette non-imposition. Si les biens vendus sont des métaux précieux, ou lorsque leur prix de cession est supérieur à 5000 euros, ou si les biens sont vendus sont des bijoux, des objets d'art, de collection ou d'antiquités, dans ces cas-là, vous êtes soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Et vous devez régler cet impôt dans le mois de la cession, via un formulaire qu'on trouve facilement en ligne. Si les biens vendus sont à un prix supérieur à 5000 euros, hors meubles, électroménagers ou automobiles, qui sont des cas exonérés, dans ces cas-là, vous êtes soumis à un régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles au taux de 19%. Vous devez vous acquitter de cette imposition dans le mois de la cession et pareil, le formulaire se trouve en ligne. Évidemment, les règles fiscales varient selon le statut du brocanteur en question. Les obligations fiscales que je viens d'évoquer s'appliquent aux particuliers. Dans le cas d'une micro-entreprise ou d'un statut professionnel, d'autres obligations spécifiques s'appliquent. Et pour les ventes d'occasion en ligne, est-ce qu'on applique les mêmes règles ? Les droits et obligations sont sensiblement les mêmes. Les vendeurs d'occasion bénéficient de cette même liberté de vente sur les plateformes de vente, tout en respectant la législation nationale et les règlements en vigueur sur les plateformes en ligne. La différence est que le vendeur est tenu à une obligation d'information et de clarté. Il est obligé de délivrer toutes les informations nécessaires sur le bien vendu en ligne et de proposer des photos claires et précises du bien. Il faut fournir une description précise et détaillée sur l'état de l'objet, s'il est neuf, usagé, et toutes les informations pertinentes sur d'éventuelles réparations à réaliser, par exemple. Si le vendeur d'occasion en ligne est un professionnel, l'acheteur bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours, au cours duquel il peut renoncer à son achat sans se justifier. L'acheteur bénéficie aussi d'une garantie légale de conformité sur 2 ans. Cette garantie est plus limitée pour les biens d'occasion, mais le professionnel a tout de même une obligation de livrer un bien conforme. Il est important de savoir qu'en qualité de vendeur d'occasion non professionnel, vous êtes responsable de la sécurité des biens vendus. Ils doivent respecter des normes de sécurité en vigueur. On pensera notamment aux jouets. En réalité, les garanties offertes à l'acheteur sont plus souvent assurées par les plateformes de vente en ligne, qui proposent des protections dites d'acheteur. Soyez attentifs aux conditions de cette protection. Soyez également vigilants sur les éventuelles ventes d'occasion en ligne qui se présentent comme particulièrement intéressantes. Et vérifiez si vous êtes face à un vendeur professionnel ou d'occasion, puisqu'on vient de le voir, les droits et obligations diffèrent. En espérant que cette saison de brocante soit ensoleillée, alors à tous, je vous souhaite de faire de bonnes affaires et de bonnes ventes. À bientôt. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.